Seguido. C'est comme au niveau des chaînes. Si le haut et le bas marchent en même temps, c'est plus facile. C'est comme la cadena. Si la tête va courir en même temps, c'est plus facile. Donc, la première étape, c'est de, ça va être de s'ériger. La première étape, c'est l'érigé. Donc, c'est-à-dire de se redresser. Et donc, en fait, de repousser la tête du sol. Et vous voyez que ça permet aussi de libérer le regard. Donc ça, ça va forcément être les muscles toniques qui vont nous permettre de nous élever. Esto lo van a hacer los músculos tónicos, que son los que nos van a permitir que nos elevemos. On a parlé plusieurs fois, donc solaire, quadriceps, fessiers et notamment le diaphragme. Hemos hablado soleo, cuádriceps, glúteos y también el diafragma. Plus, on a vu au niveau de la tête, on allait avoir surtout quel muscle. Y hemos visto a nivel de la cabeza, hemos visto. Et puis ça va se poursuivre jusqu'aux oculomoteurs. Puis, deuxième étape, ça va être de se stabiliser. Donc, stabiliser, c'est lutter contre les petites oscillations. Estabilizar significa luchar contra las pequeñas oscilaciones. Donc, vous comprenez bien que là, on a d'autres muscles. Aquí tenéis que entender que tenemos otros músculos. Parce que pour lutter contre les oscillations, il faut aller très vite. Porque para luchar contra las oscilaciones, tenemos que ir muy, muy rápido. Donc, on a plutôt que ce soit des muscles plus phasiques, des muscles davantage, des muscles tonico-phasiques qui sont prêts à la préparation du mouvement. Aquí tenemos los músculos básicos, los músculos muy rápidos o los músculos tónico-básicos. Y eso, c'est surtout les muscles des orteils. Y estos son sobre todo los músculos de los dedos. Cuando yo paro en avant, los primeros músculos a se contracter son los músculos de mis orteils. Cuando me voy para adelante, los primeros músculos que se contraen son los de los dedos. Y puis après, donc là, on a quelque chose qui va s'organiser de manière podocéphalique. Esto es algo que se organiza de manera podocefálica. Et puis il va y avoir une dernière étape. Y luego habrá una tercera etapa. Qui est une étape en rapport avec l'action et le fait de s'orienter. Que es una etapa que está en relación con la acción y la orientación. Et là, on peut avoir quelque chose qui va être rostrocaudal. Qui va être céphalocaudal. Y aquí podemos tener algo que es cefalopodal. Esa es una referencia a la embriología. Rostro caudal. Acción y orientación. Ok. Donc, il faut savoir que quand on fait des vols en microgravité, hay que saber que cuando hacemos vuelos en microgravedad, on va avoir tendance à se retrouver dans une position fétale. Ah, pourquoi? Parce que les muscles antigravitiques, on a vu qu'ils servent à quoi les muscles antigravitiques? Ils font de l'extension. Porque los músculos antigravitatorios hacen extensión. Et si on est un spationaute en contact avec un référentiel caudal, pero si colocamos a un astronauta en contacto con los pies de en contacto con los pies en contacto con un referencial caudal, con un referencial caudal, a ese momento va a devenir perpendicular a rapport au sol. Entonces es el momento que se va a colocar perpendicular respecto al suelo. Là on voit qu'on a formé certains types de capteurs plantaires qui modifient la posture. Entonces lo que estamos haciendo es informar de alguna manera los factores podales respecto a la postura. Alors, ce qu'il faut comprendre, lo que hay que entender, c'est que on parle de système postural, mais à l'intérieur du système postural, il y a des sous-systèmes. Hablamos del sistema postural, pero dentro del sistema postural hay subsistemas. Donc, il y a un sous-système qui est en rapport avec la position. Hay un subsistema que está en relación con la posición. Est-ce que vous êtes en avant ou est-ce que vous êtes en arrière? Est-ce que estás adelantado o es que te vas para atrás? Est-ce que vous êtes à gauche ou est-ce que vous êtes à droite? O te vas a la derecha o te vas a la izquierda. Donc là, c'est un problème de position. Esto es un problema de posición. On pourrait pratiquement parler de statique. Lo que no podemos hablar es de estática. Mais il y a un autre sous-système qui est le système de la régulation des oscillations. Pero hay otro subsistema que es el sistema de regulación de las oscilaciones. Donc, ça veut dire, est-ce que je bouge beaucoup ou pas beaucoup? Est-ce que me estoy moviendo mucho o no me muevo mucho? Et donc là, on est en rapport avec les oscillations. Y aquí estamos en relación a las oscilaciones. Et les deux systèmes sont complémentaires. Y los dos sistemas se complementan. Et ils ne sont pas liés, a priori, au même muscle, donc ils ne sont pas liés non plus au même capteur. Entonces, no están a priori ligados a los mismos músculos y tampoco a los mismos captores. Dans le corps, on décrit toujours, il y a des capteurs de type tonique, donc positionnel, et des capteurs dynamiques, de type phasique. En el cuerpo podemos encontrar captores tónicos, posicionales y captores básicos dinámicos. Alors, au niveau capteur, ça c'est facile à comprendre. A nivel de capteurs, c'est facile de comprendre. Si la personne ne bouge pratiquement pas, si la persona no se mueve prácticamente, on va avoir la stabilité, elle est donnée par quoi? Tendremos la estabilidad que se da por le poids, el peso del cuerpo, en opposition à la réaction du sol. Opuestamente a la reacción del suelo. Et plus j'avance, plus le centre de pression avance. Cuanto más me adelanto yo, más se adelanta el centro de presiones. Donc, qu'est-ce que vous retenez là? C'est que ce sont des forces verticales. Estas fuerzas son verticales. Donc, si les forces verticales, elles vont être codées par des capteurs de pression. Entonces, si estas fuerzas son verticales, van a estar codificadas por los capteurs de presión. Est-ce que c'est OK pour vous? Sí. Maintenant, les oscillations. Ahora, las oscilaciones. Si on les majore. Si son importantes. Il va falloir, mais quoi? Des mouvements dans le plan transversal. Ahora, movimientos en el plano transversal. Et donc, là, au niveau des capteurs, c'est des capteurs de champ, des capteurs qui vont être étirés, qui vont informer. Entonces, en este aspecto, son los captores de campo, los captores que se van a estirar, los que van a informar. Les capteurs de champ sont des capteurs plus superficiels que les capteurs de pression. Los captores de campo son más superficiales que los captores de presión. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué es lo que significa esto? Que potentiellement, en fonction de l'épaisseur de notre stimulation, entonces, en función del grosor de nuestra estimulación, on va jouer soit sur la position, vamos a estar jugando o sobre la posición, soit sur la stabilisation, donc sur les oscillations. O sobre la estabilización o la posición. Est-ce que ça c'est clair pour vous? On a dit qu'il y avait deux types. Au niveau de la régulation posturale, à niveau de la régulation posturale, vous voyez qu'il y a, ça se divise en deux parties. Esto se divide en dos partes. Donc, s'il y a deux parties, ça veut dire qu'il y a deux types de muscles. Entonces, si hay dos partes, hay dos tipos de músculos. Et ça veut dire aussi qu'il y a deux types de capteurs. Y también significa que hay dos tipos de capteurs. Et ce que j'essaie de faire, c'est de vous orienter pour que vous puissiez prendre en compte la physiologie dans votre traitement. Dans votre traitement. Entonces, lo que os quiero hacer es orientar la fisiología a la hora de hacer vuestros tratamientos. Donc, si on prend que la partie gauche de la figure. Si cogemos esta parte izquierda de aquí. Donc là, on a une superposition entre le poids et la réaction du sol. Aquí tenemos una superposición entre el peso del cuerpo y la reacción del suelo. Donc on voit bien que c'est juste une histoire de poids sur la plante des pieds. Entonces vemos que es una historia de peso en la planta del pie. Donc qu'est-ce qui va mesurer ça? C'est les capteurs de pression. ¿Qué es lo que va a medir esto? Son los captores de presión. Comme des Pacini, par exemple. Los de Pacini. Et c'est des capteurs, les Pacini, qui vont être dans assez profonds, qui vont être dans le derme. Y los captores de Pacini están bastante profundos, están en la dermis. Hein, donc si on reprend ça, je monte sur ma main, là, j'appuie. Si cogemos esto, en la mano, apoya. Ok, donc on est dans la partie gauche du tableau. Estamos en la parte izquierda de la diapositiva. Maintenant, je caricature quelqu'un qui bouge beaucoup. Y ahora va a caricaturizar a alguien que se mueve muchísimo. Donc vous allez avoir des forces qui vont être dans le plan horizontal. Y aquí hay fuerzas que hay que van en el plano horizontal. Au niveau de la peau du pied, on va avoir des mouvements qui vont être dans le plan horizontal. A nivel del pie, tendremos fuerzas que van a ir en el plano horizontal. Si on caricature un peu, on a des capteurs qui captent la verticalité. Si caricaturizamos también, tenemos captores que captan la verticalidad. Et des capteurs qui vont être en rapport avec l'horizontalité. Y hay captores que van a estar en relación con la horizontalidad. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Hasta aquí está claro. Bon. On sait que les capteurs qui sont en rapport avec la pression. Sabemos que los captores que están en relación con la presión. Du type Pacini, ce sont des capteurs profonds. Tipo Pacini son capteurs profundos. Profond, ça veut dire qu'ils se situent dans le derme. Profundo significa que se sitúan en la dermis. Et puis vous avez des capteurs superficiels. Y luego hay captores superficiales. Qui eux se situent dans l'épiderme. Que se sitúan en la epidermis. Ou dans le derme superficiel. O la dermis superficialmente. Pour la, je simplifie les choses. Donc, si les capteurs qui sont en rapport avec les oscillations, ils sont dans l'épiderme. Entonces, si los captores que están relacionados con las oscilaciones están superficiales. Vous, quand vous allez vouloir réguler les problèmes d'oscillation. Cuando queráis regular problemas de oscilación. Vous allez utiliser des stimulations de quelle épaisseur? Vais a utilizar estimulaciones de qué espesor? Fina. Alors, fine, mais fine, ça veut dire quoi? Pero fino, ¿qué significa? Menos de un milímetro. Moins de un milímetro. Moins de un milímetro. Pourquoi moins de un milímetro? ¿Por qué menos de un milímetro? Parce que l'épaisseur de l'épiderme au niveau du pied. Porque el grosor de la epidermis a nivel del pie. Est d'environ un milímetro. Es de más o menos un milímetro. Donc ça veut dire que quand vous mettez plus d'un milímetro. Entonces significa que si metéis más de un milímetro, vous saturez les capteurs épidermiques, saturáis los captores epidérmicos, et vous stimulez donc les capteurs qui sont en rapport avec le côté tonique et se repousser du sol. Y estáis estimulando los captores que están relacionados con los captores tónicos que están relacionados con la posición del suelo. Est-ce que ça c'est clair pour vous? ¿Está claro esto? No sé cómo, pero podí. Alors, mañana ya te lo diré. Mañana no está claro. Si on rentre dans le détail véritablement au niveau neurophysiologique, on va rien comprendre. Porque si entramos detalladamente la neurofisiología no vamos a entender nada. Parce que eux, ils sont pas là pour essayer de comprendre des choses relativement à des stimulations plantaires. Porque ellos están ahí para entender qué es lo que pasa realmente on reprend la même chose par rapport à la stabilométrie. Si cogemos algo relacionado con la estabilometría. Donc, vous avez la position. Tenemos la posición. Les marqueurs de position, c'est le x moyen et le y moyen. Los marcadores de la posición son x media y y media. Est-ce que je suis x à gauche ou à droite, y en avant ou en arrière? Estoy en el x de derecha a izquierda o estoy en el y delante de droite. Et puis vous avez la stabilité. Y luego tenemos la estabilidad. La stabilité, donc là on peut le regarder par rapport au stabilogramme. La estabilidad lo podemos mirar con un estabilogramma. Donc vous voyez, là on a la position moyenne en x pendant 51,2 secondes. Aquí podemos ver la posición en x. Et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous voyez que la courbe, on a l'impression qu'elle fait n'importe quoi. Parece que la curva hace algo que no tiene ningún sentido. Donc on dirait qu'elle est stochastique. Diremos que es estocástico. Donc ça veut dire stochastique, ça veut dire qu'il marche de manière aléatoire. Stochastico significa que va lo hace de manera aleatoria. C'est l'impression qu'on en a. Mais en fait, c'est une fausse impression. Es una impresión, pero es una falsa impresión. Parce que, effectivement, ça fait n'importe quoi. Porque efectivamente sí que hace cualquier cosa. Mais si on fait la moyenne des points, pero si hacemos la media de los puntos, on va voir qu'on est toujours parallèle aux x. Veremos que siempre estamos paralelos a los x. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle le côté chaotique. Entonces, lo que llamamos el aspecto caótico. Où on est déterminé par des attracteurs étranges. Una buena estabilidad. et une bonne orientation. Y una buena orientación. Et c'est obligatoirement dans ce sens-là que ça marche. Y es obligatoriamente en este sentido en la que funciona. Donc, la posture précède la stabilité qui précède l'orientation. La postura precede la estabilidad y la estabilidad precede la orientación. Et ça, on peut le tester notamment par l'intégration des quotients visuels, plantaires, nucales, etc. Y esto lo podemos testar con la integración del cociente visual, plantar, nucal, etc. Donc, imaginez que vous êtes coach de ce petit enfant, de ce bébé. Si somos un coach de este pequeño niño. Et puis, à un moment donné, il n'arrive plus à taper avec la raquette dans la balle. Imaginaos que en un momento de repente ya no pilla la, no le da la pelota. Est-ce que ça vous paraît intelligent de dire ah oui, c'est un problème de position de raquette? Parecería inteligente de decir que sí, es un problema de la posición de la pala. Non, c'est un problème de position du corps et de stabilisation du corps. Pues no, es una, es un problema de la posición del cuerpo y de la estabilidad del cuerpo. Bon, c'est pas, c'est clair ou c'est pas clair pour vous? Est-ce clair? Donc, si on caricature un petit peu, si caricature, quand un tennisman va avoir un problème de coude, si un tennista tiene un problema de codo, le médecin va s'intéresser à la raquette. El médico se va a interesar en la raqueta. Parce que c'est un critère, mais un critère déclencheur, c'est pas le critère causal. Es un criterio, pero es un criterio de consecuencia, no de la causa. Donc, si la personne est bien équilibrée, bien stable, elle pourra jouer avec un fauteuil. Si está la persona bien equilibrada, bien estable, podrá jugar con un sillón, un sofá. Jouer avec n'importe quoi, vous avez fait un coup. Si vous avez déjà pris des cours de golf, si habéis jugado a golf alguna vez, un bon golfeur, un buen golfista, il va faire beaucoup mieux que vous avec n'importe quel club. Pues va a hacer, o sea, lo va a hacer mejor, da igual con qué club, con qué palo. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'outil qui est prédominant. Il est important, il n'est pas prédominant. No es el instrumento el predominante, es importante, pero no es el más importante. Donc, par où? Par où? Vous vous rappelez, Baron, c'est l'histoire des poissons. Et Baron est le fait. Donc, avait décrit deux sous-systèmes posturaux. Describió dos subsistemas posturales. Un système qu'il appelait la régulation automatique tonique posturale. Uno que le llamo la regulación automática postural, tónica postural. Bon. Et donc ça c'est la position du centre de pression. Esto es la posición del centro de presión. Et l'autre qu'il a appelé le COP, le contrôle des oscillations posturales. Y el otro le llamo COP, control de oscilaciones posturales. Donc, on va voir, est-ce qu'on bouge beaucoup ou pas? Esto es lo que vemos, es que si nos movemos mucho o no. Et l'autre variable, c'est est-ce qu'on bouge vite ou pas vite, avec des accélérations ou pas d'accélération. Y la otra variable es si nos movemos rápido o no rápido, con aceleraciones o sin aceleraciones. Donc, est-ce que les deux sous-systèmes sont bien clairs pour vous? Los dos sistemas están claros. La position. Position. Et l'autre, c'est les, la stabilisation. Y la otra es estabilización. Donc, on va passer ça, c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Donc là, un exemple d'analyse fréquentielle. Aquí un ejemplo de análisis frecuencial. Où, pour ceux qui ont des plateformes, on est capable de placer la fréquence des oscillations posturales. Los que tenemos plataforma, somos capaces de hacer una clasificación de las oscilaciones posturales. Dans les oscillations posturales sont inclus les battements du cœur. Las articulaciones posturales incluimos la ventilación. La ventilación también. Et vous comprenez bien que ça ne sont pas le battement du cœur et la ventilation ne sont pas au même rythme. Y sabéis que los latidos del corazón y de la ventilación no van al mismo ritmo. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas non plus à la même fréquence. Eso significa que no están en la misma frecuencia. Hein? Et on avait déjà évoqué que quand je ventile, y hemos indicado ya que cuando ventilo, mon centre de pression ne doit, on doit pas avoir mon centre de pression qui bouge. Dentro de presiones no se tiene que mover. La ventilation, c'est ce qu'on appelle le 0 de Hertz. La ventilation, aquí está en 0 de Hertz. Là, c'est le rythme de la ventilation. Es el ritmo de la ventilación. Donc, quand vous voyez qu'il y a un pic en 0 de Hertz, cuando veáis que hay un pico en 0 de Hertz, ça veut dire que la personne, elle fait quoi? Quand elle ventile, elle fait, c'est tout le corps qui bouge. Eso significa que la persona se mueve, se le mueve todo el cuerpo cuando está respirando. Y a ce moment-là, la plateforme mesure le rythme ventilatoire qu'il ne devrait pas mesurer physiologiquement. Y entonces, ¿qué pasa? Que la plataforma está midiendo, detectando esta, esta respiración cuando, en teoría, no debería detectarla. Y on a un collègue qui a objectivé que 80% de ses patients avaient un pic en 0 de Hertz. Y vio que un 80% de los pacientes tenían un pico de 0 de Hertz. Il manque un Z là. Falta una Z. Le H donc c'est un marqueur qui est important. Es un marcador que es importante. Donc, on revient... No se debe mover, pero el 80% de las personas tienen este pico. Que, ¿a qué se debe? O se mueven cuando... ¿Es la prueba de ese motivo? ¿Me toca para valer? ¿A fisiología? ¿Me toca para usar de ya? ¿No se te pasea? ¿Vale? ¿O la...? Sí, pero son pacientes, tenemos la función. ¿No? Pero si no se debería... ¿Cuál es tu problema? Pues que no se debería de mover, pero el 80% de los pacientes presentan este pico. Por lo tanto, ¿por qué? O sea, igual se debería de mover. Es la diferencia entre la fisiología y la patología. Aquí está la diferencia entre la fisiología y la patología. O sea, el 80% de la gente tiene patología a este nivel. No, los pacientes. Los que están viendo tienen a ver. Vale. Sí. O sea, de los que están mal, el 80 tienen. Vale, se va a quedar el 80 de la general, gente, normalidad. General, sí. Digo, coño, bueno, entonces igual que tiene que aparecer el pico. No, por ser con una plataforma, el 0 de Hertz es un buen marcador. Entonces, cuando tenemos una plataforma, el 0-2 de este punto de 0-2 es un buen marcador. Okay. Alors, si on comprend, je détaille ce qu'on a vu tout à l'heure. Va faire à détailler ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Donc, vous avez des capteurs profonds. Tenemos capteurs profonds. Donc, on a vu des patchings. Comme le patching. Donc, ils sont au niveau du derme. Ils sont au niveau de la dermis. Et plutôt dans la partie inférieure du derme. Et surtout dans la partie inférieure de la dermis. Et puis vous avez des capteurs qui sont superficiels. Y luego tenemos capteurs qui sont superficiels. Notamment les disques de Merkel. Sobre todo los discos de Merkel. Qui vont se situer dans l'épiderme. Que se van a situar en la epidermis. La plupart des ouvrages que vous allez prendre de physiologie. La mayoría de los libros que vais a comprar de physiologie. Vont mettre les Merkel dans le derme. Meten a Merkel en la dermis. Et en fait, ils sont dans l'épiderme. En tout cas, il y en a dans l'épiderme. Pero de hecho, solamente están en la epidermis. Simplement, les bouquins de physiologie sont souvent faux. O sea que, cuidado, que a veces, muchas veces, las de los libros qui nous intéresse là, c'est de voir que quand on a des capteurs qui s'appellent toniques, et lo que es interesante aquí es ver que cuando tenemos capteurs tónicos, c'est des capteurs qui réagissent lentement. Son capteurs que réagissent lentement. Et ils vont coder l'intensité de la force et la durée de l'appui. Y lo que van a codificar es la intensidad de la fuerza y la duración de la fuerza. Et puis on a d'autres types de capteurs. Y luego tenemos otro tipo de capteurs. Qui sont plus phasiques. Que son fásicos. Et qui vont détecter un toucher léger comme les Messner ou des problèmes de vitesse. Van a detectar un toque ligero o la velocidad. Donc, maintenant, d'un auteur à l'autre, on peut trouver des choses différentes. Donc, rentrez pas dans les détails. De un autor a otro podemos encontrar cosas diferentes. Entonces, no vamos a entrar tampoco en estos detalles. Au niveau des fuseaux neuromusculaires. A nivel de los fuseaux neuromusculares. Vous savez qu'il y a deux types de fuseaux neuromusculaires. Sabéis que existen dos tipos de fuseaux neuromusculares. Il y a ceux qui captent la longueur. Qui sont ce qu'on appelle de type 2. Hay los que captan la largura, la longitud. Et qui sont innervés par des motoneurones gamma statiques. Y están innervados por los motoneuronas gamma estáticos. Donc là, on joue sur quoi? Sur le tonus. Estamos aquí en el tono. Et vous avez des capteurs qui sont en rapport avec une variation de longueur. Y hay capteurs que están en relación con la variación de esta longitud. La variation de longueur, c'est donc une vitesse. La variación de la largura es la velocidad. Et ça, c'est en rapport avec les fuseaux neuromusculaires qu'on appelle 1A. Y esto está relacionado con los fuseaux neuromusculares que lo que llamamos AA. Ils sont innervés par des gamma dynamiques. Y están innervados por los gamma dynamicos. Donc là, on est en rapport avec du phasique, avec du mouvement. Estamos aquí en relación con lo fásico, el movimiento. Ok. Donc on a vu dans la peau, il y a des capteurs toniques et phasiques. Dans le muscle, il y a des capteurs toniques et phasiques. En la piel tenemos capteurs tónicos y fásicos. Y en el músculo también tenemos capteurs tónicos y fásicos. Et l'autre pour jouer sur les mouvements du centre de pression, donc les oscillations. y el otro para actuar sobre en las oscilaciones del centro de presión. Sobre el movimiento de oscilación. El movimiento de las oscilaciones sobre el centro de presión. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà? ¿Qué es lo que sabemos? Donc, on a une de nos collègues belges, Anne-Marie Lecoq. Et une de nos collègues belges, Anne-Marie Lecoq. Qui a fait des mesures stabilométriques. Hizo un estudio estabilométrico. Sur des étudiants d'une école de podologie. En los alumnos de una escuela de podología. Elle a utilisé une feuille de papier qu'elle a mis sur le papier. Une feuille de papier, ça fait un dixième de millimètre. Una hoja de papel hace una décima de milímetro. Dit autrement, ça fait 10 microns. Lo que dicho de otra forma son 10 micrones. Micrones. Micras. Elle a utilisé des résines. Utilizó resinas. De 0,8 mm, 3,8 mm, 7,6 mm. De 0,8 milímetros, 3,8 milímetros y 7,6 milímetros. Donc là, je vous ai montré le schéma. Aquí nos ha enseñado el esquema. Où on voit les proportions. Y vemos las proporciones. Donc ça serait la feuille de papier. Esto es una hoja de papel. Et si on prend les 7,6 mm, y si cogemos el de 7,6, on a une augmentation de 69. Tenemos una aumentación de 69. Excusez-moi, mais là il manque une partie de la diapo. Falta una parte de la diapositiva. Dans les deux cas, en los dos casos, la feuille de papier ou les 7,6 mm, la hoja de papel o el 7,6 mm, on a des variations significatives par rapport à la stabilité. Tenemos en los dos casos variaciones significativas en el nivel de la estabilidad. Donc, on retient quoi? Qu'une feuille de papier, ça a un effet postural. Una hoja de papel tiene un efecto postural. Et que 8 mm, ça a aussi un effet postural. Y 8 mm también tiene un efecto postural. Hein, donc, vous retenez que tout ce que vous mettez sous le pied a un effet postural. Todo lo que colocamos debajo del pie tiene un efecto postural. Après, deuxième étape, c'est. Si je peux avoir un résultat identique avec un dixième de millimètre et avec 8 mm. Si puedo tener la misma respuesta con una décima de milímetros que con un milímetro. Quel est l'intérêt de mettre 8 mm? Ad 8 mm. Oui. Ah, perdón. Un dixième et 8. Una décima o 8 milímetros, de hecho uno, 8 milímetros. ¿Cuál es el interés de colocar 8 milímetros? Et donc, ce qu'on retient pour l'instant, c'est que le dixième de millimètre modifie la stabilité. Et que la décima de millimètre modifie la stabilité. Alors, vous savez par expérience que quand vous avez des patients qui ont des grandes oscillations antéro-postérieures, si vous n'avez pas de plateforme de force, vous allez faire quoi? Un test de Romberg. Si vous n'avez pas de plateforme de force, ça va être un test de Romberg. À l'occlusion des yeux, il y en a certains qui partent en arrière jusqu'à faire un pas en arrière. Al cerrar los ojos, hay algunos que van hacia atrás hasta hacer un paso hacia atrás. En règle générale, ça va être corrélé, ils vont avoir des croix partout, ils vont être en dysfonction systématisée généralisée. Généralement, se relaciona con la dysfonction systématisée généralisée. Et donc, ce qu'on vous a proposé en termes de traitement, c'est de mettre des barres sous tuberositaires. Le traitement que nous proposons est les barres sous tuberositaires. Et on voit que dans ce cas de figure, on modifie de manière très importante la régulation posturale. Et dans ce cas, on modifie de manière très importante la régulation posturale. Ça, c'était un homme. Un homme. Et ça, c'est un homme. Mais chez certaines femmes, alors, pourquoi femmes? Parce qu'elles vont avoir un épiderme qui va être plus fin. Et souvent, elles sont plus en hyperexcitabilité centrale. Le 1 mm, c'est trop. 1 mm, c'est demasiado. Et la personne, on va modifier des choses, mais on ne va pas la réguler. Vamos a modificar cosas con ese milímetro, pero no la vamos a regular posteriormente. Si on réfléchit de manière mécanique, si pensamos de manera mecánica, on va dire, si ça ne marche pas à 1 mm, je fais quoi? Si no funciona con 1 mm, ¿qué hacemos? Je mets 2, 3, 4. Ponemos 2, 3, 4. Ça ne marche pas mieux. No funciona tampoco. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Pour faire moins. Okay. Pourquoi? Parce qu'on a saturé les capteurs épidermiques. Donc vous comprenez bien qu'en fonction de la taille et de la masse de l'individu, l'épiderme n'a pas tout à fait la même épaisseur. Donc des fois il faut faire moins d'un millimètre. A veces hay que hacer menos de 1 millimètre. La première fois où j'ai visualisé ça. La première fois que j'ai visto eso. En fait c'était il y a longtemps à la fac de Barcelone. Hace tiempo en la facultad de Barcelona. Et on avait une stagiaire qui, quand elle faisait son posturo, quand elle faisait son rond-verre, elle tombait en arrière. Una alumna que cuando hacía el ronda se iba hacia atrás. Et se caía casi. Quand on mettait les petites stimulations d'un millimètre, cuando se ponía la estimulación de 1 milímetro, elle tombait toujours moins vite, mais elle partait toujours en arrière. Seguía cayéndose menos rápido, pero seguía yendo hacia atrás. Et il y a un ou une stagiaire, je me souviens plus, qui essayait de mettre juste la feuille de papier. Y hay otro alumno que intentó poner solo una hoja de papel. Y avec la feuille de papier, elle était bien mieux en termes de stabilité. Y con la hoja de papel estaba mucho mejor en términos de estabilidad. Alors la première fois qu'on voit ça, on dit bon, c'est bizarre, elle est hystérique, bon. La primera vez que se ve eso, se pensamos, uy, qué raro, esa tía histérica. Mais quand vous voyez que ça se reproduit. Pero cuando veis que se va reproduciendo, a ce moment-là, vous dites qu'il y a une réalité. Vemos que hay una realidad. Y ce qu'on essaye de faire là, c'est de comprendre cette réalité. Y lo que hacemos ahora es entender esa realidad. Simplement, on ne stimule plus les mêmes capteurs. No estimulamos los mismos capteurs. Et les capteurs les plus importants, ce sont les plus superficiels. Y los capteurs los más importantes son los más superficiales. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, todo claro. Alors, il y a d'autres travaux qui ont été faits. On l'avait déjà vu, mais je rappelle. A contrario, quand on est sur la position, ce qui est le plus efficace, c'est quand on est autour de 3 mm. Lo más eficaz es cuando estamos alrededor de unos 3 mm. Donc vous rappelez qu'on a des variations significatives sur la position antéro-postérieure avec des barres de 3 mm. Comme barres de 3 mm. On a également des variations significatives dans le plan frontal. Vous rappelez, on a vu ça précédemment. Variations significatives también en el plan frontal. Donc, si on retient. A priori, c'est théorique, mais la clinique nous montre que ça va dans ce sens-là. Por lo visto, es teórico, pero la clínica también va en ese sentido. Si je veux jouer sur le côté positionnel et tonique, si quiero jugar en el lado posicional y tónico, j'ai intérêt à jouer sur du 3 mm. Jugamos con 3 mm. Alors, quand je dis 3 mm, autour du 3 mm. 3 mm, no es 3 mm, justo, alrededor de 3 mm. Peut-être c'est 2, peut-être c'est 1,5, peut-être c'est 3,5. 2, 1,5, 3,5, etc. Une valeur moyenne. Si je veux jouer par contre sur des oscillations, si quiero jugar sobre las oscillaciones, on va jouer sur du phasique. Et à ce moment-là, on a intérêt à jouer sur du 1 mm ou moins. Y entonces, estamos en elementos de 1 mm o menos. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? C'est clair pour tout le monde. Donc, ça veut dire que si on se resitue... Si on se trouve dans l'endroit gauche. Donc, dans le cas des chaînes neuromusculaires, on est plutôt dans du tonus. Surtout dans les chaînes directes. Donc là, a priori, on sera autour de 3 minutes. Quand il y a des hypertonies musculaires, ça va entraîner des raideurs. Ça va être associé à des douleurs. Ça va associé à des douleurs. Et ça va être associé à des instabilités. Et associé à des instabilités. La raideur crée de la douleur crée de la raideur. La rigidez crée de la douleur et le douleur crée de la rigidez. La douleur crée de l'instabilité, l'instabilité crée de la douleur. Et le douleur crée une instabilité et la instabilité crée de la douleur. Et de manière paradoxale, la raideur provoque l'instabilité. Et de manière paradoxale, la rigidez entraîne une instabilité. Pourquoi? Parce que ça perturbe les systèmes de régulation. Et va perturbant le système de régulation. Et s'il y a des instabilités, eh ben, je vais créer de la raideur. Et s'il y a une instabilité, le mouvement va créer des rigidez. Donc, vous comprenez qu'il va falloir prendre en compte la raideur, l'instabilité, et la douleur. Donc, dans ce cas-là, jouer sur la douleur, bah, peut-être que ça peut être faire des injections de novocaïne. Ou faire de la thérapie manuelle. Hein, il y a différentes manières de procéder. Alors, donc on a vu le premier, le déparasitage, la neutralisation des dysfonctions nocicétives, pour permettre la bonne intégration des informations qui viennent des exocapteurs. Donc si on se situe dans le traitement des chaînes neuromusculaires, avec un départ céphalique, ou en tout cas un départ supérieur au pied, il va falloir faire un déparasitage donc somatique. On va tenir un déparasitage. Avec, on va utiliser, si c'est un problème au niveau cervical, un élément au terreau interne. Si c'est un problème à niveau cervical, on va avoir ça, on est à l'île. D'environ 3 mm. Alors pourquoi environ? Déjà parce qu'on est sur quelque chose de biologique. Hein, ça peut fluctuer. Et puis en plus, penser qu'il peut y avoir des épines irritatives ou pas. Et en fonction si ou s'il n'y a pas les épines irritatives, ça va être un peu plus élevé. Donc si on a les épines irritatives, ça va être un peu plus élevé. Déparasitage podal. Déparasitage podal. Pour les épines irritatives. Pour les épines irritatives. On y revient. Donc ces épines irritatives peuvent être déparasitées aussi par un environnement interne. La épine irritative peut être déparasitée par l'élément interne. Et on va faire la remédiation. Et en règle générale, comme vous avez traité une hypertonie qui est latérale, la chose qui semble le plus important, c'est quoi? La remédiation dans le sens antéro-postérieur. Lo que parece ahora más importante es la remediación en el sentido antéro-postérieur. Et là, on a écrit surtout. Pero sobre todo. Et vous pouvez également avoir des patients qui ont un pied organique. Vous pouvez avoir aussi des patients qui ont un pied organique. Donc ça, il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte. Maintenant, si la dysfonction est au niveau du membre inférieur, alors si la dysfonction est au niveau inférieur, On va trouver par les interrelations. Vamos a encontrar por las interrelaciones. Que le problème est au niveau du genou. Que el problema está a nivel de la rodilla. Et là, je vais utiliser quoi? Un élément médio interne d'environ 3 mm. Vamos a usar un élément de unos 3 mm. Et si le problème est au niveau pelvien, un postéron interne ou un sous-tubérositaire ou une bande postéron interne. Si el problema está a nivel de la pelvis, vamos a usar un postéron interne ou un sous-tubérositaire interne. Interno. Une bande une postéron interne. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Hein, on est dans cette région-là. Donc après, ça dépend. Est-ce que la dysfonction est bien du côté coxo-fémoral? Depende que si la dysfonction vient du lado del coxo-fémoral. Est-ce que ça vient du coccyx? Si viene del coccyx. Est-ce que ça vient de la sacroiliaque? Si viene de la sacroiliaca. Est-ce que ça vient du côté iliolombaire? Si viene del lado iliolombar. Ou de la sacroiliaque. Donc, en fonction de l'endroit, on va déplacer un petit peu notre curseur de traitement référentiel. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Ou il y a des questions? On a dit cervical, on était plus en. C'est pareil. Donc, c'est-à-dire que plus. Je vous ai dit hier, rappelez-vous du pont. Acordarse del puente. Hein? Plus on est haut, más, cuanto más alto estamos, plus on est en avant. Más, du pied. Más estamos en la parte delante del pied. Ok? Logique en termes de levier. Est-ce logique en termes de paramètres? Donc, maintenant, toujours le parasitage modal. Et toujours la remédiation. Et de la même manière qu'au niveau cervical, comme on a traité une hypertonie latérale, on va surtout s'intéresser au côté antéropostérieur. Vamos sobre todo interesando al nivel antéropostérieur. Donc là, pourquoi? Parce que votre médio interne, votre postéron interne, ok, aquí el medio interno o el postéron interno, ça déjà corrige le plan frontal. Van corrigiendo en el plano frontal. Non seulement il neutralise la zone de susceptible, mais en même temps il corrige le plan frontal. Neutraliza la zona no susceptible, pero. Non seulement ça traite, ça neutralise la perturbation au niveau du genou du pelvis. Que va neutralisando la perturbation au niveau de la rodilla de la pelvis. Mais en même temps, ça va jouer dans le plan frontal. Y al mismo tiempo juega al plano frontal. Y por ese nivel, el EMI nunca podrá ser de más de 2 o de 3 milímetros. Y demanda si tú te preguntas si podría ser más de 3 y no podría ser más de 3 y nunca, ¿verdad? ¿Qué pasa si el enemigo es para saber esto que no es más? Alors, ¿qué es que on a dit? On a dit que si il y avait une pathologie organique, si hay una patología orgánica, on pouvait mettre plus haut. Estamos más arriba. Mais en règle générale, quand il y a une pathologie organique, pero cuando hay una patología orgánica, le traitement le plus adapté pour un pied plat valgus organique, el tratamiento más adaptado para un pie plano valgo orgánico, c'est la bande interne. Es la banda interna. Qu'on peut utiliser même pour des pieds qui ne sont pas organiques. Que se puede usar también para pies que no son orgánicos. Mais à ce moment-là, on est sur des épaisseurs plus modérées. Pero tenemos unos grosores mucho más finos. On est bon? Donc, si la dysfonction au niveau du pied, si la dysfonction est à niveau du pied, bah, qu'est-ce qu'on a comme outil? Que tenemos como instrumento? La thérapie, la thérapie informationnelle. Et puis après, bah, toujours la même chose, des parajoutages des données négatives, remédiation, surtout dans l'intérieur postérieur. Et remédiation, surtout dans l'intérieur postérieur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, ou est-ce que ça commence à devenir clair? Hay preguntas respecto a lo que hemos visto, o empieza a estar claro? Alors, donc, si vous, bon, pour l'organisation de la journée, pour que certains ont des trains, des avions pour repartir, donc on va pas finir trop tard. Donc, néanmoins, on peut prendre, si vous avez des questions,